les après-midi, c'est la folie. Tout le monde cogite, s'agite, se précipite. Vanessa envoie tout black boulé. Nag s'en mêle les pieds, fait des roulés boulés. Je suis tranquille, tout le monde déraille. Je reste assis, j'assiste à la bataille. Ils ont les nerfs, disent que c'est l'enfer. Moi, je comprends pas à quoi ça sert.